j'ai eu l'impression de toucher à une grande, grande culture. Quelque chose de très puissant. Que ce soit artistique, dans l'esthétisme que ça produit, que ce soit dans le domaine, ce qu'on appellerait médical, que ce soit pour le corps ou que ce soit pour ce qui se passe dans ma tête avec mes pensées, la façon dont mes souvenirs se sédimentent, se superposent, la façon dont je me construis en tant que personne. Dans l'initiation, enfin dans les rites Aliboga de la culture Bouti, y a deux grands rites. J'ai fait mon initiation là où je devais la faire et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça n'a pas été le contexte le plus sain et le plus serein pour moi. Le deuxième ou le troisième jour, j'ai eu besoin d'appeler à l'aide et j'ai utilisé les tikas pour appeler. Et je l'ai fait sonner quatre fois, je connaissais pas, j'avais pas compris encore la façon dont ça jouait et la personne que je voulais prévenir est venue. C'est là où il faut être bien connecté, bien branché, avec de bonnes antennes, de bonnes connexions, et ne pas se tromper. Quand même quelque chose de très fort thérapeutiquement, pour soigner plein de choses, pour purifier des toxines, aussi faire des choix, savoir pardonner, savoir comprendre ce qui nous est arrivé. Et quand je dis pardonner, c'est pas l'idée chrétienne de le faire, hein, c'est trouver des chemins qui nous apaisent par rapport à des conflits qu'on a pu avoir avec d'autres personnes. Le deuxième grand rite, c'est le rite d'Isumba. Qui est un rite féminin. Une espèce de mort imminente. Pendant cette mort imminente, on m'a dit après qu'ils étaient venus me voir avec une aiguille pour me la planter à différents endroits du corps pour voir si mon corps réagit, il n'y a aucune réaction. Donc pendant cette mort imminente, on voyage. Et on voyage de plein de façons différentes, ça dépend qui on est, comment on va rencontrer les choses, comment on s'est préparé, l'état de notre corps. Et après voilà, c'est des visions. Et ça s'est fait de façon symbolique et de façon visuelle à l'intérieur de mes visions pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Jusqu'à la vision, cette première vision, pour voir comment elle y est arrivée, pourquoi c'est celle qui a été choisie. Tout ce qu'on est, c'est ça. Des barques. Nous sommes une barque. Attention, c'est pas péjoratif. Une barque pleine ou moitié pleine. D'énergie, d'amour, de cœur, de relations. Et puis, il y a eu tout un travail de décryptage de la façon dont ces souvenirs se sont incrustés en moi et leurs effets anxiogènes sur mon comportement de maintenant. Même quand, par exemple, j'utilisais certains sons des musiques qui étaient jouées pour me dématérialiser, pour partir en état de poudre et puis pour rentrer dans des espèces de fentes spatio-temporelles qui m'amènent ailleurs, c'était moi. Une formule va venir s'inscrire en moi, c'est comme si on me la transmettait, un peu comme les pygmées qui savent tout de suite que telle plante et telle plante et telle plante et telle plante, ça enlève telle maladie. Après, moi, j'en déduis par intuition que vu que c'est des rites qui ont plusieurs milliers d'années, 5, 6, 7 000 ans, dans leur origine et peut-être plus, ben voilà, c'est la suite, quoi, c'est des réminiscences de ce qui s'est passé à cette époque-là. En passant à travers le nombril, les visions sont très très très denses, d'une densité, d'un rapport au temps et à l'espace qui n'est pas la même que celle qu'on est en train de vivre maintenant. Les rondes malheureusement avancent. Pour moi, l'espace-temps, je dis que c'est une même ligne, c'est le même conduit, c'est le même chemin. Je pense que quand on est dans une vibration, dans une énergie, on peut aller dans le passé, dans le présent, dans le futur, ou dans des sens complètement inverses, qui sont pour moi un ADN qui se rejoint. Et du coup, ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps de parler de ces choses-là que de les vivre réellement. C'est comme s'il y avait une condensation au moment où on les vit. Il y avait quelque chose qui venait m'habiter. D'énergie divine, d'énergie lumineuse. Des divinités, des animaux. C'était marrant. La première fois que je me suis transformé en Wiso Inno, qui est une espèce de guépard avec des ailes qui poussent de temps en temps.